budget. Passe les vitesses avec les palettes. Et dans mes rêves, j'achète 10 palais. J'en place une aux frérots qui galèrent. Les vrais durs qui crient jamais à l'aide. Qu'est-ce que tu me racontes toi, dans ma cité je suis à l'aise. Ça fait les comptes et dans le GTD ça se tue à l'air. On était tout en bas de l'échelle, on a remonté. Et ceux qui font vraiment d'oseille, ils aiment pas le montrer. Qu'est-ce que tu connais de la rue, mon ami. À mon avis, toi tu racontes pas ta vie. Et je la regarde dans les yeux, elle me donne des frissons. C'est pas, elle me donne de la force pour tous les niquer. On est proliqués, c'est mérité. Ce qu'on pourrait faire, voilà, t'as même pas idée. On est proliqués, c'est mérité. Ce qu'on pourrait faire, voilà, t'as même pas idée. On était tout en bas de l'échelle, on a remonté. Et ceux qui font vraiment de l'oseille, ils aiment pas le montrer. Est-ce que tu connais de la rue, mon ami. À mon avis, toi tu racontes pas ta vie. Je sais plus qui est qui, frérot, par ici à la T6. Ça pète des carrettes, whisky dans la vessie, ça reste des îles. T'es plein de jalousie, fais pas le mec apprécié, tu parasites. Y'a trop de villes, si il me faut un coin paisible au Maldives. Il faut mailler pour le cure Alcantara, que des dégâts. Mes cascara et des marliamans, hein. Mais les gaz à la recherche des 24 carats. Je suis au milieu de la cité comme Chaco Alcantara. C'est qu'on rame que des vrais arabes qui te baissent ta race. Ça pue chier, rend ma tête marade, nervé au démarrage. J'ai une équipe, y'a toujours un trait, toujours une rapace. Mais t'inquiète, y'a toujours un frère là que ça passe sous sa casse. Sous sa casse, sous sa casse. C'est mérité, ce qu'on pourrait faire, voilà, t'as même pas idée. On est proliqué, c'est mérité, ce qu'on pourrait faire, voilà, t'as même pas idée. On était tout en bas de l'échelle, on a remonté. Et ceux qui font vraiment de l'oseille, ils aiment pas le montrer. Est-ce que tu connais de la rue, mon ami. À mon avis, toi tu racontes pas ta vie.